Section 67 de La Lecture, tome 7e. Ceci était un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à d'autres sujets ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. La Lecture, tome 7e, section 67. Le 19e siècle, comment Frédéric Pontaut, 30 campagnes, 20 blessures, ne devint pas maréchal de France, par Albert Robida. Chapitre 6. Sous la tourmente. Pied à pied devant l'ennemi, surgissant par toutes les frontières, pénétrant par toutes les fissures de la France, épuisée, dont le sol craque sous le poids des hommes et des canons, les débris des grandes armées françaises reculent, en disputant ville à ville, rivière à rivière, leur terre en deuil. C'est la fin de la fabuleuse épopée. Tous les peuples que le talon de Napoléon pétrissait depuis 15 ans, tous, ardents, enfiévrés par la lutte, couvrent de leurs fourmis en bataillon le sol de cette France naguère, reine des batailles. Avec les morceaux réunis de plusieurs régiments de la jeune garde, échappés dans les champs de carnage d'Allemagne et de France, avec des bataillons d'adolescents, enfants arrachés aux mers 12 mois auparavant et qui ont déjà vu le feu de 10 batailles, le colonel Frédéric Pontaut bat en retraite de Ham-sur-Compiègne. Le sort le ramène après 20 ans d'absence dans ce village qu'il a quitté au jour de l'an 2 avec l'espérance au cœur et qu'il n'a jamais revu. 20 années ont passé, pendant lesquelles il a participé à des triomphes inouïs, enlevé 10 capitales et de son pas infatigable arpenté l'Europe, et le voici, comme son empereur, ramené au gîte par les baïonnettes étrangères. Les petits soldats, maigres, harassés, la figure tirée, marche pesamment dans la boue, enfoncée dans les lourdes capotes, les hauts shakos affaissés et ternis. Ce ne sont plus les brillants uniformes, ni les beaux soldats des années précédentes. Les uniformes sont usés, les hommes sont morts. Les officiers marchent silencieusement, enveloppés dans leurs manteaux. À l'entrée du village, le colonel Pontaut rétablit les lignes de la colonne. Il fait signe au tambour de battre, et derrière eux, dressé sur un petit cheval à longs poils, il avance, le cœur étreint par une poignante émotion, dans ce village où il est né. Au bruit du tambour, il sort peu de monde des maisons. Des enfants, des femmes, quelques vieux. Depuis la frontière, Pontaut ne traverse ainsi que des villages silencieux, aux grandes rues mornes, malgré quelques victoires arrachées encore par des bandes gauloises obstinées. Le vent de la défaite souffle sur les plaines de France et la crainte des Cosaques fait se terrer les habitants. Le colonel a beau regarder dans le village natal, il ne reconnaît que des pierres. Enfin, sur la place, devant l'église, il fait former les faisceaux pour un repos de 2 heures et envoie des vedettes sur la route aux deux bouts du pays. Tout à coup, sa figure hâlée pâlit. Derrière un cercle de paysans sortis des maisons, ses yeux ont aperçu enfin une figure connue. C'est une femme qui descend rapidement la grande rue. Une paysanne d'une 40aine d'années, grande et forte, l'air avenant, une blonde d'une fraîche carnation, aux traits réguliers, encore belle dans la plénitude de l'âge. Les soldats ont alors une surprise. Ils voient leur colonel descendre de cheval aussi vite que peuvent le permettre des rhumatismes rapportés de Russie, percer le cercle, saisir les bras de la paysanne blanche d'émotion et l'embrasser sur les 2 joues. « Frédéric, c'est vous? C'est toi, Frédéric ?» balbutie la paysanne que Pontaut est obligé de soutenir pour qu'elle ne défaille pas tout à fait. « Dine, Dine !» répète le colonel. C'est Dine, l'amie des jours d'enfance, celle que Frédéric devait épouser, si les grands bouleversements ne s'étaient pas produits. C'est la petite paysanne qui l'a conduit jadis jusqu'à Noyon, avec les réquisitionnaires de l'an 2, celle qui pleurait, les bras désespérément accrochés à son cou, en ce jour lointain du départ, celle qu'il n'a plus revue depuis et qu'il a laissée avec les terres à son frère Jean-Baptiste. « Où est Jean-Baptiste ? » demande-t-il enfin. Dine fait signe à un garçon d'une 15aine d'années qui de loin regardait la scène, la mine effarée. Le garçon s'éloigne en courant. « C'est un neveu ?» demande Frédéric. « Oui, » répond Dine. Le colonel et la paysanne, sous les regards des soldats et des paysans, marchent côte à côte, sans parler. D'une maison que Frédéric reconnaît de loin, sort tout à coup un homme en tenue de travail qui accourt en boitant, prend les mains du colonel et le regarde sans rien dire, sans oser l'embrasser. « C'est toi ! C'est toi ! » dit-il enfin. « Tu reviens donc ?»« Oui, mon vieux Jean-Baptiste, je reviens, mais pas pour longtemps. Il faut que nous soyons à Compiègne ce soir, si nous ne trouvons pas les Prussiens devant nous. Il n'y a presque rien de changé dans la maison natale. Quelques réparations, ça et là, un hangar pour les travaux de charronnage de Jean-Baptiste, et c'est tout. Frédéric reconnaît même quelques vieux meubles. Pendant que les deux frères causent d'une voix cassée par l'émotion, Dean a ramené trois garçons, dont l'aîné compte une quinzaine d'années, et deux petites filles, et elle les jette dans les bras de cet oncle de qui tout le village leur a tant parlé. Après les premières nouvelles données, les questions, les exclamations, tous se regardent et tombent dans un silence attristé. Le colonel Ponto songe avec mélancolie en regardant cette maison, cette femme aimée jadis et ses enfants, à ce qu'il aurait pu être si la terrible aventure de la Révolution n'était venue tout bouleverser, l'enlever au lopin de terre picarde qu'il cultivait pour lui donner l'Europe entière à labourer de sillons sanglants et faire de lui, au lieu d'un paisible travailleur des champs, un colonel des armées impériales. Quel changement ! Combien d'autres, des millions d'autres, en France, en Allemagne, en Italie, dans les plaines brûlantes de l'Andalousie et dans les steppes blancs de la lointaine Russie, ont eu comme lui, en même temps que lui, leur existence bouleversée, leurs rêves détruits, leurs espoirs tranchés et, moins heureux que lui, ont été couchés sous terre avant l'heure. Combien des amis levés en même temps que lui ont connu dans ses premières campagnes, combien sont morts à l'aurore du siècle, fauchés en pleine jeunesse, en pleine vaillance. Mais le colonel secoue la tête. Il lui paraît inutile de se révolter contre le destin. Il y a des générations sacrifiées. Il a confusément le sentiment d'une fatalité inéluctable qui pèse sur l'homme. Depuis longtemps se sont envolées les vagues idées humanitaires des premiers temps de la République. Il ne croit plus guère à ces grands mouvements qui, dans le sang et les larmes, à travers les résistances, préparent au peuple un avenir plus heureux. Non, il croit à la brutalité, au déchaînement de l'animal humain sous la direction de quelque grand carnassier supérieur qui n'est au fond d'aucune race ni d'aucun pays et qui obéit lui-même à un instinct. « Nous n'avons que des neveux, nous autres, » dit-il en regardant les enfants de Dean. « Espérons qu'ils seront plus heureux que vous, » répondit tristement Dean, « et que vos guerres ne vont pas me les prendre aussi. » Le colonel jeta un regard circulaire autour de lui dans la petite pièce claire et gaie où tout respirait le calme et la paix, le travail et la prospérité. « Je ne vois pas mon fusil, » fit-il. « Ton fusil d'honneur ?» dit Jean-Baptiste. « Dean l'a caché. C'est juste à cause de l'ennemi ?»« Non, » fit Dean. « L'ennemi n'était pas encore chez nous, il y a 2 ans. Mais quand j'ai vu mes enfants grandir et les guerres continuer toujours, toujours et prendre tous les garçons dès qu'ils arrivaient à l'âge d'homme, ce fusil-là m'a fait peur et horreur à la fois. Chaque fois que mes yeux tombaient sur lui, mon cœur me sautait dans les flancs. Je l'ai caché. Et tu m'en voudras peut-être, Frédéric. J'ai défendu à Jean-Baptiste d'en parler. « Ah oui, » dit Jean-Baptiste. « Tous les ans, les garçons de la commune s'en vont et jamais il n'en revient maintenant, sauf un, de temps en temps, avec une jambe ou un bras de moins. Il n'y a plus chez nous que des pères et des mères sans enfants ou des filles sans mari. C'est tout ce que ton empereur a laissé. »« Mon empereur, » dit Frédéric. « Ah, j'ai fait comme les autres. » Je l'ai suivi avec enthousiasme autrefois, mais comme je me le reproche, il est à bas aujourd'hui et la France avec lui. Je ne peux pas me retirer de la bagarre au moment suprême. On dit qu'il est pris, tant mieux, s'écria Dean. L'ennemi, c'est lui. Les tueries continueront tant qu'il sera là. 5 conscriptions l'année dernière et 1 cette année. Tous les garçons depuis 18 ans ont été enlevés. Il y en a qui se sont rachetés 4 fois et qui sont partis tout de même, pourvu qu'ils ne mangent pas les miens. « Regarde mes soldats, » dit le colonel. « Il n'y en a pas 10 qui aient plus de 20 ans. » Depuis la grande conscription de janvier 1813, à chaque appel, les conscrits du pays font chanter la messe des morts et creuser une fosse dans le cimetière. Et tous, l'un après l'autre, y descendent, au milieu des pleurs de tout le monde, pères, mères, sœurs et frères, dont le tour viendra bientôt. Après cette messe, ils trouvent sur la place les conscrits du canton, qui en ont fait autant dans leur village, et tous partent en chantant « Napoléon nous appelle, il faut mourir !» On l'entend le refrain s'en aller sur la route. Il s'éloigne, il diminue, on pleure et c'est fini. Jamais on ne les entendra, jamais on ne les reverra, jamais, jamais. Ils restèrent encore silencieux, puis le colonel, passant la main sur son front, se leva. « Il faut partir, » dit-il. « Déjà ? » s'écrièrent Dean et Jean-Baptiste. « Il le faut, mais tout est fini maintenant. » On dit Napoléon prisonnier et Paris pris. Encore quelques jours, quelques combats peut-être, et les survivants reviendront. Que ferai-je? Je n'en sais rien. Je reviendrai ici vous voir et revoir vos enfants. Allons, adieu. Au dehors, les petits soldats s'alignaient péniblement et les tambours exécutaient quelques roulements préparatoires sur leurs caisses. Le colonel embrassa Dean, son frère et ses neveux, et, domptant toute émotion, d'un pas saccadé mais ferme, il sortit de la maison. Il fut bientôt à cheval, il tira son sabre et fit un geste. Les tambours battirent et tout le détachement s'ébranla. Un dernier regard en arrière, avant de sortir du village, un dernier battement de cœur, et ce fut fini. Jean-Baptiste et ses garçons marchèrent quelque temps à côté du colonel, mais à 1 kilomètre du village, celui-ci les força à rebrousser chemin. On pouvait à tout moment se heurter à l'ennemi qui de toutes parts marchait sur Paris. À 3 heures du soir, la jeune garde arrivait en vue de Compiègne. Il était temps. La ville, dépourvue de garnison, était attaquée du côté de la forêt par une forte colonne prussienne. Du pont sur l'Oise, barricadé, des volontaires et des gardes nationaux, venus du fond de la Bretagne, tiraillaient avec un parti de Cosaques. Le colonel Ponto prit aussitôt la direction de la défense et refoula l'ennemi avec ses jeunes gens harassés. Au coucher du soleil, après avoir inspecté les défenses de la ville, le colonel Ponto se promène sur la terrasse du château. Il a allumé la grande pipe de Prasy et songe mélancoliquement au passé, à tout ce qu'il a vu et souffert, aux grands jours d'autrefois, aux folies guerrières, aux tueries, aux revers, aux désastres lamentables. Fumée, fumée, toute cette gloire. Et c'est pour cette fumée qu'on a versé tant de sang et conduit à l'immolation toute une génération. En haut du grand escalier, devant le palais impérial, quelques canons en batterie menacent la noire forêt pleine d'ennemis. Tout le long de la balustrade de marbre dominant une charmille, construite peu de temps auparavant pour rappeler la gloriette de Schönbrunn à Marie-Louise, au pied de chaque statue dont la blancheur blafarde se détache presque sinistre sur le bleu sombre du parc, la baïonnette d'un soldat étincelle. En arrière, de l'autre côté de la ville, un village brûle. À la nuit tombante, la fusillade reprend tout à coup dans le parc. Le colonel descend aussitôt le grand escalier sous la batterie. À quelque distance, une première ligne de tirailleurs, abritée derrière les gros arbres, escarmouche avec les Prussiens, qui essayent encore une fois de gagner le château sous le couvert des arbres. Le colonel avise au pied de la statue d'un guerrier grec un tout petit soldat imberbe qui charge maladroitement son fusil. « Des enfants, de vrais enfants !» grommelle le colonel. « Allons, mon garçon, prête-moi ton fusil. Je vais te montrer comment on se sert de cet outil. » Le colonel charge méthodiquement son arme, cherche un instant devant lui, épaule et tire. Comme il remet la crosse à terre et regarde du côté de l'ennemi, une balle prussienne le frappe en plein front. Il tournoie et s'abat sur l'angle du piédestal, sous le guerrier grec qui brandit justement du côté de l'ennemi, son glaive de marbre. Ainsi mourut le colonel Frédéric Ponto, le jour même où il avait revu, après 21 ans écoulés, son village natal, sa famille et la femme qu'il avait aimée. Fin de la section 67, lue par Sophie France, à Veules-les-Roses, en janvier 2025.